Allô? Allô, bonjour monsieur. Est-ce qu'Alice est là? De la part de qui? De Nadia. Alice? Alice? C'est qui? Nadia! Salut Nadia, ça va? Oui, et toi? Dis, on va au bowling samedi avec Théo, tu viens? Ben, je travaille à partir de 2h30. Et à quelle heure tu finis? On a rendez-vous vers 5h. Je finis à 7h. Ah, alors pas de bowling. Mais tu sors le soir? Vincent fait une soirée chez lui, il t'attend. Oh, je ne sais pas. C'est loin de mon travail et je n'ai pas le temps de rentrer à la maison. Oh, on passe te chercher en voiture. Tu dînes et tu te prépares chez moi. C'est vrai? Super! Je vous attends à 7h10 devant le magasin. C'est ça, à demain.